passé, mes balles passées. Bongo passé, mes balles passées. Bongo passé, mes balles passées. Bongo passé, mes balles passées. Bongo passé, mes balles passées. Sakura.